talonné, ce jus est chargé, mes narines frémissent, inondent l'oreiller. Mon cher culiteur est mieux que la côte, mon foutre fait des ravages dans les épaules, mes excréments.